Martin, ton époux chavire. Notre été s'installe, comme il était beau de me dire que tout était normal. J'ai visité ton empire, les lendemains s'emballent. Je te suis et tu m'attires, mais tout devient infernal. Martin sème la pagaille, tout descend dessus dessous. Que Martin s'en aille, mais s'en aller n'est pas tout. Doucement, je devrais m'éloigner. Tout doucement, je devrais t'annihiler très rapidement. Laisse-moi me faire en liberté, indépendamment, indépendamment, sans dépendre de ta volonté. Je m'en vais doucement. Mes faiblesses te rendent solide, tes propos versent quelque chose pour me retenir. Comme on se blesse en se rendant visite, encore trop fragile pour passer à la suite. Martin, je vois l'amour qui se noie et nous sépare en août, laissant planer le doute. Tes matins plats oscillent et tu hésites à venir me faire de l'ombre. Je suis ta proie, sans être inerte. Cesse d'être nocif, ça te mènera à ta perte. Martin y croit, moi je ne croise plus les doigts. Plus de possible pour nous, notre amour s'éteint, c'est tout.